voyage par temps de grève. Pierre Loti, être ici et ailleurs. Vendredi 23 janvier 1891. À bord du Formidable, au golfe Juan, seul, dans ma cellule de fer. Fini la vie d'autrefois, douce et bénie, dans la chère maison de mon enfance, entre les deux gardiennes de tout, sans lesquelles il semble que tout chancelle et s'en va. Fini tout ce passé chéri. Elle est arrivée, irrévocable, cette fin que j'avais envisagée depuis si longtemps avec une terreur sombre et que j'avais retardée de toutes mes forces. Oh, l'impression sinistre de ce départ, hier matin, par un temps glacial, sombre et bas, l'air tout rayé de neige fondue. L'expression du regard de maman, aperçue encore à travers les vitres du salon quand la voiture m'a emportée, et l'ébranlement du train au départ de Rochefort par ce temps noir, Ninette et Léo sur le quai venus me conduire. Et maintenant c'est fait. Le pas est franchi. Et je suis seule ici dans ma cellule de fer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 1891, Pierre Loti a atteint la quarantaine. Il est élu à l'Académie française. Ses ressources lui permettent d'élargir sans cesse la maison de Rochefort. Mais partir, c'est s'éloigner des êtres aimés. C'est laisser la cour de Rochefort fleurir sans lui. Partir, néanmoins, c'est sa destination. Pierre Loti, ici et ailleurs. Notre thème avec Alain Kellavillégié, bonjour. Bonjour. Venu de très loin, hein, voyage au long cours de Poitiers où vous habitez. Exactement. Loin de Rochefort où vous êtes né. Exactement. Alors vous êtes le biographe de Pierre Loti depuis longtemps. Dernière biographie, c'est chez Calman Lévy, l'éditeur historique de Pierre Loti. Puis avec votre compère Bruno Versier, chez Bleu Autour, quantité de livres sur Loti voyageur, Loti dessinateur et photographe, parce que c'est tout le temps chez lui. Et avec Bruno Versier, vous avez assuré l'édition des 5 volumes aux Indes galantes du journal de Pierre Loti. L'enfance, l'enfant est le père de l'homme. Et dans la maison d'enfance de Rochefort, tout est déjà contenu, notamment dans le cabinet de curiosité de petit garçon qui l'avait installé dans un galetas au-dessus de la chambre de la grand-tante. Oui, Pierre Loti fait partie de ces adultes qui ne se sont jamais guéris de leur enfance et qui donc passent une bonne partie de leur vie à essayer d'en retrouver le paradis, d'en retrouver en tout cas l'émotion et qui gardent une mélancolie qui est évidemment obsessionnelle, un rapport au passé qui est permanent. Loti fait partie de ces personnes qui sont, vous avez dit ici, et ailleurs, qui sont dans l'obsession aussi de l'ubiquité, vouloir tout garder, vouloir garder le passé, vouloir évidemment pleinement vivre le présent et multiplier les expériences. Mais incontestablement, l'enfance a été le creuset, jamais assouvi. La maison, vous l'avez visitée quand vous étiez déjà grand, quand elle commençait à être ouverte au public à Rochefort. Oui. Cette maison, elle a failli être vendue par la famille, ruinée. Et ça a d'ailleurs été un moteur pour Pierre Loti. Il navigue, il est officier, il a une solde. Et puis, ses talents de dessinateur exceptionnel lui permettent de vendre des dessins rémunérés à la presse à Paris. Oui, la question de la maison, c'est le refuge, évidemment, c'est le port immobile, c'est le retour éternel. Il faut toujours revenir à la maison des parents, à la maison de la mère. Loti va donc la racheter lorsqu'elle est en danger, effectivement, d'être vendue lorsqu'il est jeune homme. Et tout au long de sa vie, donc il passera son temps à l'agrandir, à l'étoffer, à la décorer, évidemment, à l'aménager comme un palais oriental, mais sans jamais mettre en danger les pièces essentielles. Il y a un côté matriciel là-dedans, et la maison, elle doit être évidemment un lieu de retour et de régénérescence. En même temps, elle va toujours être démultipliée, comme sa propre vie à lui, avec des salles turques, orientales, marocaines, renaissance, etc. Mais à l'époque de l'enfance, le cabinet de curiosité, le Galta, c'était particulièrement important, c'est névralgique, c'est parce que là sont les souvenirs de son frère aîné, médecin de marine, qui lui envoyait du courrier et des objets. Oui, on est à la fois dans la mode du cabinet de curiosité, mais en même temps aussi, c'est un mémorial, c'est un lieu de fétichisme. Effectivement, il y a les objets qui sont liés à son frère aîné qui était mort en mer. Et il y aura toujours, Loti va y rapporter, même jusqu'à la fin de sa vie, des objets qui sont inhumé en quelque sorte à l'intérieur de ce qui est en fait un petit placard, hein, c'est pas du tout une grande salle, mais un musée dans le grand musée. 1872 sur la Flore, sa première grande campagne, il va à l'île de Pâques, 4 jours seulement, il en rapporte beaucoup de dessins, il envoie beaucoup de dessins, qui sont bien payés parce qu'il a un talent exceptionnel de dessinateur et puis il rapporte beaucoup d'objets. On voit les photos de sa cabine sur la Flore et des plumes et des masques au mur. Oui, j'ai commencé la biographie de Loti d'ailleurs par cette arrivée sur l'île de Pâques et lorsqu'il met le pied sur la plage, c'est un jeune officier de marine, il est aux ordres et le navire a pour mission de rapporter une statue qu'on peut aujourd'hui voir au musée du Quai Branly. Mais Loti, qui n'existe pas encore, il s'appelle pour l'instant Julien Viau, va d'abord gagner effectivement de l'argent grâce à son talent de dessinateur. Ses dessins étant envoyés à la presse pour être donné lieu à des gravures. Même campagne de la Flore, le voici maintenant à Tahiti, où a vécu, avec une vaïnée, son aîné, maintenant disparu. Les grandes voix de France Inter ont été attirées par Pierre Loti. Me voici devant cette île lointaine que chérissait notre frère. Point mystérieux qui fut longtemps le lieu des rêves de mon enfance. Tout cela, depuis 10 ans, je l'avais vu dans ses dessins jaunis par la mer, poétisés par l'énorme distance. C'est la première fois que le jeune aspirant de marine débarque à Tahiti. Ce point mystérieux qui fut longtemps le lieu des rêves de son enfance, cette île lointaine que chérissait son frère, chirurgien de marine, il avait vécu là 10 ans plus tôt. C'est bien le papette de ses fantasmes avec cette baie aux grands palmiers, ces hautes montagnes verdoyantes aux silhouettes dentelées, semblables au dessin de son aîné, qu'il avait aperçu tout à l'heure du pont de la Flore. Ce sont bien toutes ces images, jaunies avec les années, qu'il avait retrouvées devant la rade de papette. C'est bien la même île, tant évoquée par le grand frère Gustave, mais, comment dire, avec le charme en moins. Avec le charme en moins, explique Claude Villers. Oui, parce qu'il y a quelque chose de sombre dans sa vision de Tahiti. Vous citez souvent le poète égyptien Edmond Jabès. Voir, c'est regarder mourir. Oui, Pierre Loti a l'obsession de la mort pour lui-même, mais pour les autres aussi, pour les civilisations également. Et il est un peu comme Paul Morand, il croit toujours qu'il arrive quand on éteint la lumière. Sur l'île de Pâques précédemment, ou même en Patagonie, et ensuite ici sur l'île de Tahiti, il a le sentiment d'une civilisation qui est en danger. Et d'ailleurs, il anticipe sur ce que dira plus tard Victor Segalen. On est face à des immémoriaux voilà, qui combattent pour sauver une mémoire. Loti a cette lucidité, cette perception d'un peuple qui est menacé de mort, entre autres, par la présence occidentale. Mélancolique Sénégal. Nous voici maintenant l'année d'après, en 1873. Il est à bord du Pétrel, c'est un petit bateau de surveillance qui fait du cabotage entre Gorée, Dakar et le mélancolique Saint-Louis du Sénégal. À l'extrême nord du Sénégal, aux confins du désert du Sahara, Saint-Louis est posé sur des bancs de sable entourés par les eaux. À l'époque de Loti, Saint-Louis n'est pas relié à la terre ferme par un pont comme aujourd'hui. On arrive alors dans ce bout du monde par bateau, en suivant l'embouchure du fleuve Sénégal. Quand on arrivait à Saint-Louis, on sentait l'odeur d'arachide. Et donc, il y a des odeurs comme ça particulières, le henné ou certains produits que les femmes mettent, qui sont des produits traditionnels, ou l'encens qu'on met dans les maisons, ça donne tout ça. Une atmosphère un peu différente de ce qu'on a à Paris ou à Bordeaux. Des marchandises apportées d'Europe transitaient ici, aux côtés de produits venus de lointains villages africains par le fleuve Sénégal, qui contribuaient à l'atmosphère envoûtante des lieux. En bas, de grandes cours, où venaient s'accroupir dans le sable les chameaux et les morts du désert, où grouillait un bizarre mélange de bétail et de chiens, d'autruches et d'esclaves noirs. Ces maisons sont ouvertes. On entend, comme maintenant, le bruit des oiseaux, on entend les bruits de la rue, on entend le tam-tam, on sent les odeurs, tout en étant dans sa maison. Il y avait des lions, il y avait des guépards. C'était l'Afrique. Alain Kellab-Léger est allé souvent sur les pas de Pierre Loti et comme Arte, ça c'est un reportage de 2018, je suis sûr que vous avez fréquenté le même patio, la même cour de l'entrepôt de commerce, d'une maison de Bordeaux devenue maison d'hôte à Saint-Louis. Oui, c'est un bel hôtel à Saint-Louis, effectivement. L'étape de Saint-Louis est importante parce que c'est la rencontre, évidemment, avec l'Afrique noire. Loti a, on l'entend dans ce qui vient d'être évoqué, Loti a un très bon rapport au paysage, aux atmosphères, et il le restitue littérairement extrêmement bien. Et bien sûr, il s'intéresse aux individus, et là, parfois, avec plus ou moins de justesse. Dans le cas de l'Afrique noire, on peut lui reprocher des termes qui sont péjoratives, voire racistes. Il y a parfois de l'incompréhension, mais Loti, de manière générale, en empathie et est toujours en curiosité. Et c'est ce qui fait évidemment la singularité et la richesse, entre autres, de ses romans. Oui, mais c'est aussi la rencontre avec une dame. Il y a toujours une dame ou plusieurs dans chaque port. Et cette dame du Sénégal, c'est un peu l'équivalent d'Isée dans l'œuvre de Paul Claudel. Paul Claudel vivait avec une maîtresse dans un consulat de Chine, la Chine où est allé plus tard Pierre Loti. Le mari était là, on ne savait pas très bien à quoi il servait encore. Et Paul Claudel avait fait un enfant à la dame, et puis la dame est partie. Et il est allé, peu après, à sa recherche en vain en Europe. C'est la même chose pour Pierre Loti. À la différence que Loti n'a pas écrit Le partage de midi après, et son roman, le roman d'un spahi qui évoque le Sénégal, n'évoque à aucun moment cette affaire-là. Ça reste un mystère, on ne sait pas qui était cette femme, on sait que Loti a eu un enfant d'elle, on sait qu'il est allé le voir à Genève, elle était suisse. Voilà, on a un ensemble d'indices, mais c'est un des grands mystères dans la vie de Pierre Loti. Après Saint-Louis du Sénégal, un des plus vieux postes coloniaux français. 10 ans plus tard, 1883, le voilà qui assiste de près à la conquête de l'Annam en Indochine, avec des massacres inqualifiables sur les populations civiles. Il envoie à ce sujet des articles au Figaro. Il envoie 3 articles. Les 2 premiers étaient anonymes, le 3e est signé. Et ces 3 articles ont fait évidemment scandale parce qu'il décrit de façon extrêmement réaliste les combats. Combats qu'il désapprouve sans pour autant prendre position politiquement. Il est dans un devoir de réserve. Et ces 3 articles ont énormément ému l'opinion française. Mais il commente aussi dans ses correspondances le sort qui est fait aux troupes françaises obligés de combattre dans des conditions qu'elles ne comprennent pas. Des gens crient à l'horreur parce que c'est la première fois qu'on met sous leurs yeux les réalités d'une guerre, et d'une guerre exotique. Là est tout le mal. C'est vrai, j'aurais dû y songer et ménager leurs nerfs. Ils sont de ceux qui, du coin de leur feu, assis dans des fauteuils à ronds de cuir, suivent une expédition lointaine et admettent que tout doit se passer là-bas avec la plus extrême facilité et d'après les règles de la bonne philanthropie. Voilà, on prend de braves matelots qui sont en général des fils de nos pêcheurs de la côte, bons, naïfs, grands enfants un peu rudes mais excellents. On leur dit, laissez vos vieux parents, laissez tout, allez-vous-en en Annam ou à Madagascar ou ailleurs, sous un soleil torride, au milieu de toutes les contagions, de tous les dangers, faites la guerre et tâchez de conquérir tout un immense pays. Mais surtout, prenez bien garde de ne faire du mal à personne, ou au moins, s'il vous faut accomplir quelque lugubre besogne. Oh non, de grâce! Voyez-vous, nous risquerions de suffoquer en apprenant ces petits détails. Cela fait sourire. Après, quand c'est fini, qu'ils ont assuré un succès à la France, ils redeviennent eux-mêmes. Ils s'en vont ramasser les blessés, les faire boire, les soigner naïvement, avec leur bon cœur. C'est ce que j'ai voulu raconter, en les aimant et en les admirant. Alain Kélabidégé. Oui, c'est ce qu'il écrit là dans une lettre à Alphonse Daudet, dans une autre à Juliette Adam, parallèlement aux articles qui avaient été publiés. La position de Loti est assez simple. On l'a souvent traité d'écrivain colonial, alors que là, on a des analyses de plutôt anticolonialistes. Et surtout, il n'accepte pas qu'on mette en danger les militaires français pour de la conquête. Il croit à une fonction plutôt défensive de l'armée. Et surtout, il ne croit pas aux empires coloniaux lointains. Donc, l'Indochine, effectivement, fait partie pour lui de ces terres. Il s'en exprimera plus tard auprès de Paul Doumer, de ces terres sur lesquelles on n'a aucune chance de rester. Et nous sommes en plein débat en 1883 autour de la politique de Jules Ferry, débat qui fait rage à l'Assemblée nationale. C'est bien parce qu'en ces temps de mobilité contrainte à laquelle a villégé, on fait le tour du monde avec Pierre Loti. On pourrait parler du Japon, bien évidemment. Ah, il y a des pays qui sont, dit votre compère Bruno Bercier, rêvés dès l'enfance. Et alors là, son talent s'épanouit, puis il y a des pays qu'il comprend moins bien ou qu'il a du mal à prendre au sérieux, parce que ce sont des pays qui ne l'ont pas marqué pendant son enfance, et c'est le cas du Japon. C'est le cas du Japon, c'est peut-être le cas de l'Asie en général d'ailleurs. Le Japon, il ne l'a pas compris. En même temps, il l'a admiré. Toutes les ambiguïtés sont là. Il y a une certaine empathie dans le mode de vie et en même temps, une sorte d'incompréhension vis-à-vis des personnes, parfois des propos justement péjoratifs à l'égard des physiques ou des comportements. Mais malgré lui, il nous laisse sur Nagasaki, par exemple, un témoignage et un reportage magnifique. D'autant qu'à Nagasaki, il y a une femme dans chaque port, Madame Chrysanthème, avec qui il se marie pour un mois renouvelable. Oui, c'est un contrat de mariage de court terme. Alors, on sait que Madame Chrysanthème, son livre a fait l'objet d'une adaptation par André Messager à la scène. On va entendre dans cet opéra le chœur des matelots. D'abord parce que il est interprété par le chœur de la RTF, haute époque. Vous savez, quand le chœur était au complet, il pouvait se déployer dans des œuvres gigantesques. Aucun rapport avec l'actualité. Et puis, aussi parce que il faut qu'on parle quand même de la musculature des hommes à bord, parce que Loti était à voile et à vapeur. Oui, il y a de la bisexualité chez Loti et les hommes sont importants, et bien sûr, entre autres, le frère Yves, qui va un peu les résumer tous. Le héros du best-seller breton. Le héros du best-seller breton, et qu'on retrouve dans Madame Chrysanthème. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Partant de Grève, il faut voyager au moins par procuration. Pierre Loti, voyageur, notre thème avec Alain Kella, villégier, biographe chez Calman Lévy de Loti et puis co-auteur de nombre de livres consacrés au périple de Loti avec Bruno Versier chez Bleu Autour. Vous avez dit que ses talents de dessinateur lui permettaient de rembourser les dettes de la famille. En 1880, tout est remboursé. Il paraît qu'il se fait réveiller toutes les heures. Oui, pour qu'on lui annonce qu'il n'avait plus de dettes. Plus de dettes. Alors, il va pouvoir aménager la maison de Rochefort, en acheter d'autres aussi. Je dis ça pour Rémi Sistiaga, qui est notre technicien, qui est de l'autre côté, là, et qui est d'Andaille. Il a acheté une maison à Andaille. Mais Loti est mort. Oui, il avait acheté la maison d'Andaille où il avait occupé un poste en tant que capitaine de vaisseau. Mais et surtout, il y est mort en 1923, effectivement. Et puis, il a racheté la maison de Saint-Pierre-de-Léron où il s'est fait enterrer. Mais cessons avec ce penchant funèbre. C'est la tendance toujours quand on parle de Loti. Et visitons la maison de Rochefort qui devient un espace de plus en plus grand et où s'installe une pagode japonaise, une salle chinoise, une chambre arabe, autant d'atmosphères qu'il reconstitue. Un espace retient particulièrement l'attention des visiteurs. Alors là-bas, au loin, un peu plus loin, une salle tout à fait extraordinaire, oui. Hors du commun. C'est la mosquée. Et on est un peu saisi quand on rentre là. Saisi par ses couleurs, par cette atmosphère un petit peu mystérieuse. Nous allons tourner dans la mosquée qui est très vaste. Oui, qui est vaste, oui. Et haute de plafond. Haute de plafond, avec différents niveaux. Au milieu, il y a une... on descend trois marches et il y a un ensemble de tapis. Il y a également la fontaine qui marche avec le bruit de l'eau qui se répercute sur toutes les céramiques. Et se mélange à cette musique de l'eau une drôle de mélopée lancinante. Et cette mélopée, c'est le chant du muezzin, l'appel à la prière. Pierre Loti a envoyé un de ses serviteurs dans le minaret qu'il a construit sur son toit. Et dans ce minaret, le serviteur réussit à se faire entendre dans Rochefort. Il y a très vite quatre personnes qui arrivent avec leur tapis sous le bras. Ils sont costumés en orientaux. Et tous, ils vont s'installer devant le mihrab. Et là, ils vont faire la prière. Et Pierre Loti contemple tout ça d'un air ravi. Il est costumé en guerrier turc. Il fume le narguilé. Ça, c'est de la mise en scène. C'est de la magie. Le pays d'ici de Jean Dave, il devait être content, vos compatriotes de Rochefort, Alain Kelavillager. Vous êtes de Rochefort quand ils entendaient le muezzin au minaret. Alors, je ne sais pas si on l'entendait beaucoup à l'extérieur, mais la maison, c'est le résumé de l'ici et de l'ailleurs. C'est finalement une des solutions pour rameuter tous les voyages qu'on a fait à travers des salles, mais aussi pour réunir le présent au passé. On a parlé de l'obsession du passé. Il y a une salle Renaissance, une salle médiévale où il organise une grande fête, un grand repas. Et c'est aussi, bien sûr, le passé familial. Alors, quand vous êtes petit, il n'a pas très bonne réputation, Loti, mais... c'est pas seulement parce qu'il est extravagant, pas très bonne réputation à Rochefort, mais parce qu'il paraît un écrivain dépassé. Tout de même, le fait d'avoir une âme à moitié musulmane... Deux réponses. D'abord, je crois effectivement, on l'a souvent présenté comme un écrivain régionaliste, ringard, dépassé. Or, de plus en plus aujourd'hui, et notamment par les récits de voyage, on perçoit la qualité littéraire impressionniste et moderne de ses écrits. Et puis, ce rapport à l'Orient, justement, l'orientalisme pourrait nous renvoyer à un côté kitsch, à un côté sucré, à un côté loukoum, alors qu'en réalité, même l'orientalisme de Loti ne manque pas d'air. Il est effectivement atypique. Mais je répète atypique. Une troisième fois ma question. L'islam l'intéresse. Enfin, il s'intéresse à toutes les religions. Il cherche la réponse à l'énigme de la mort, mais à l'islam particulièrement. Son Orient est musulman. Il s'intéresse à l'islam, particulièrement en Turquie, mais dans le monde arabe en général, aux islams, sans d'ailleurs en faire beaucoup les distinctions internes. Loti a trouvé en islam de la fraternité et une civilisation où il se trouvait bien. Alors on a parlé de la Turquie, très peu jusqu'ici, vous venez de prononcer le mot. Dans la maison de Rochefort, il y a la stèle funéraire originale d'une femme idéalisée, Aziyadé. Aziyadé, qui s'appelait Hatice, dont il a rapporté en 1905 la véritable stèle, effectivement, qui était au cimetière, dans un des cimetières d'Istanbul. L'histoire a commencé bien avant, elle 1876. Elle commence en 1876 à Salonique, Thessalonique, qui était à l'époque dans l'Empire Ottoman. C'est une histoire que tout interdit entre une femme a priori musulmane, épouse ou concubine d'un riche marchand. C'est-à-dire qu'il se promène, Loti, et puis il voit, derrière des barreaux, j'imagine, deux grands yeux qui le regardent, le fixent. Oui, c'est. Ah, voilà, on est dans le romantisme en même temps, mais enfin, c'est a priori une histoire authentique. C'est celle qui va inspirer d'ailleurs son premier roman qui nourrit d'autres histoires, hein, beaucoup plus complexes. Mais cette histoire d'amour avec Aziyadé, elle est fondatrice et elle va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, dans sa maison, il rapporte ce qui est une autre transgression, cette stèle qui avait été volée au cimetière de Topkapı à Istanbul et qui existe toujours, évidemment. Toujours le penchant funèbre. Vous avez lu ce livre très vite? Oui, c'est un des premiers que j'ai lu, mais parce que, justement, Loti, il peut paraître funèbre, mais en même temps, il est plein de vie. Hubert Juin disait, c'est à la fois un gouffre et un goinfre, Loti. Il y a le côté gouffre, mais il y a le côté goinfre. Il y a un côté jouisseur, un côté obsédé, justement, par de l'appétit de vie, par la démultiplication des expériences. Et on peut lire Loti, justement, avec beaucoup de sérénité. Il n'y a pas qu'un côté mélancolique. Je crois qu'il y a un grand appel à la vie. Aziyadé à Salonique, et puis à Istanbul. Les promenades de Loti. On parlait de l'attrait des grandes voix de France Inter, Daniel Mermet. Qui me rendra ma vie d'Orient, ma vie libre et en plein air, mes longues promenades sans but et le tapage de Stamboul. Parmi les matins de l'Atmeïdan, pour aboutir la nuit à Eyyub, faire un chapelet à la main, la tournée des mosquées, s'arrêter à tous les kafjis, aux turbés, aux mausolées, aux bains et sur les places, boire le café de Turquie dans les microscopiques tasses bleues à pied de cuivre, s'asseoir au soleil et s'étourdir doucement à la fumée d'un narguilé, causer avec les derviches ou les passants, être soi-même une partie de ce tableau plein de mouvements et de lumière, être libre, insouciant et inconnu, et penser qu'au logis, la bien-aimée, le soir, vous attendra. Être un motif dans un vaste tableau, celui de l'Empire ottoman, finissant mais débonnaire. Oui, en même temps, les héroïnes d'Asiadée ou des Désenchantés sont des femmes, mais la véritable héroïne, c'est Istanbul. J'ai dit un empire ottoman débonnaire. C'est pour vous provoquer un peu. La vision. Parce que je veux bien qu'il soit finissant, mais débonnaire. Enfin, la vie quotidienne, Loti l'a perçu comme ça. Il est à l'époque du sultan Abdulhamid II, et il n'a pas été dupe du caractère du régime. Mais la vie quotidienne dans les quartiers d'Istanbul lui ont paru. Celle-ci, une vie débonnaire, une vie de fraternité. C'est sa vision, sa perception, il la gardera toujours. C'est une vision idéalisée. Suprême vision d'Orient, ce qui revient en 1910, en 1913. Il s'intéresse beaucoup à l'Empire ottoman pendant la guerre. Il voudrait empêcher la fin de l'Empire ottoman au début des années 1920. Alors ce livre que vous avez réédité chez Bleu Autour, il est plein de manques et de lacunes. L'Empire n'était pas si débonnaire avec les Bulgares ou avec les Arméniens. Parce que tout simplement, Loti résume beaucoup l'Empire ottoman à Istanbul. Et donc c'est Istanbul qui lui semble débonnaire. Les textes de Loti, il a passé presque 3 années de sa vie au total en Turquie. Il en a donc une assez bonne connaissance. Mais c'est évident qu'il a retenu les aspects de la vie turque qui lui convenaient le mieux. Mais il s'est beaucoup préoccupé de géopolitique et il s'est engagé beaucoup après pour défendre la Turquie. Mais en matière de géopolitique, c'est pas le genre à regarder la ligne du bleu des Vosges. Il regarde plutôt la Méditerranée. Il est obsédé par la Méditerranée, il est obsédé par la présence française quand même aussi en Méditerranée, mais la Turquie lui semblait une sorte de condition à l'équilibre géopolitique. Il ne fallait pas toucher à la Turquie. C'est la seconde patrie de Loti avec la France. Il manque quand même quelque chose dans tous ces voyages. Alors il y a la Chine aussi dont on n'a pas parlé. Il y a l'Inde. Il y a l'Inde. La Perse. Beaucoup. Et New York, il a fini par y aller ? Alors, il avait même commencé par y aller, étant jeune officier, il voyage en Amérique du Sud, en Patagonie, et à Valparaiso, etc. Et à la fin de sa vie, il est invité à New York. Et là, il y a effectivement un texte auquel vous pensez tout à fait drôle, tout à fait étonnant, qu'on a réédité aux éditions Bleu Autour aussi. Et c'est un texte tout à fait drôle, parce que Loti confronté à la modernité des gratte-ciels de New York, c'est justement ce qu'on pouvait penser d'absolument impossible. Et malgré tout, celui qui se qualifie de barbare d'Orient reste fasciné par ce gigantisme et cette sorte d'horreur monumentale. Mais moi, je vais vous dire, c'est un attardé dans un temps qui change trop vite. On peut toujours le placer hors du temps et le penser attardé, et par d'autres moments et par les questions qu'il nous pose, il est peut-être en avance sur nous, en tout cas, il ne manque pas d'actualité. Et autre grand mot qu'on pourrait lancer à son sujet, c'est un idiot, quoi. On l'a parfois traité d'idiot, de demeuré, d'idiot utile. Non, je crois que Loti est un naïf, Loti est sincère. Loti ne pense pas en fonction de chapelle ou de courant, mais il est en dehors. Et puis alors, il y a l'idiot de Dostoïevski, qui est un grand enfant. C'est un homme qui retrouve le génie de l'enfance, l'idiot de Dostoïevski. Oui, mais je ne sais pas si Loti est réellement resté un enfant. Il en a gardé la mélancolie, mais tout de même, ce qu'il vit, c'est une vie d'adulte, pleinement. Alors il meurt quand ? Alors il meurt en 1923, à Hendaye. Voilà. Et il a bénéficié de funérailles nationales, les premières après celle de Victor Hugo. Hendaye, alors on salue Rémi Sistiaga par qui cette émission a été possible. Audrey Ripouille, notre réalisatrice, c'est la préparation avec l'équipe de La Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco.